La rubrique des petits conseils d'auto-soins numériques des tatillis. Le 3 et 4 juin 2023, à Vaux-en-Velin, se déroulait la première rencontre du réseau Big Data, un réseau de bibliothèques et d'archives queer et féministes. On y était, avec le studio mobile prêté par les camarades de Radio Canu, pour retransmettre en direct sur la web Radio Rageuse les tables rondes organisées pour l'occasion. Alors, vous allez écouter l'enregistrement de la discussion « Archives égale lutte » qui réunissait Louve, d'AcceptST, Issalem, de QueerCode, et Arsène, de Mémoire minoritaire. L'entrée des archives de certaines des luttes queer dans le patrimoine national et les musées peut parfois laisser un goût amer, impression que l'archivage c'est la mort des luttes, et aussi que ce sont toujours les mêmes qui sont laissés dans l'ombre. Pourtant, les histoires de lutte contre le VIH-Sida, des luttes trans et d'autres, selon comment elles sont construites et comment elles sont partagées, peuvent être source de force, d'émotion, de courage, de communauté, d'expertise. Alors comment est-ce qu'on a envie d'archiver les luttes? Comment on a envie de partager ses mémoires? Et comment est-ce qu'on peut mobiliser ces histoires pour nourrir et renforcer nos luttes actuelles? Je suis le co-fondateur du festival FACT qui a lieu en novembre à Lyon et qui est un festival centré sur les créations portées par des personnes trans. Voilà, et j'anime la discussion avec Louve Zimmermann et Isabelle Salem d'Egocentis et je vais vous laisser vous présenter. Moi je m'appelle Louve, je suis dans plusieurs trucs à la fois. Notamment là, je suis là en tant que secrétaire général d'AcceptST, asso de santé communautaire Paris pour les personnes trans. Et à côté de ça, je suis aussi médiatrice en santé, je travaille en santé publique, en santé sexuelle. Et aussi, je donne à titre individuel ou au nom au sens d'AcceptST ou autre chose, des ateliers d'histoire des luttes trans et tout, dont on va plus parler aujourd'hui. Isabelle Salem d'Egocentis, je suis ravie de vous rencontrer. Moi, je suis une activiste de la lutte contre le sida depuis une trentaine d'années. Je vais vers ma 50e année, c'est un moment historique pour moi, puisque je fais partie en fait d'un groupe d'amis qui n'ont pas survécu à la DOP et au VIH-SIDA. Et donc ça m'émerveille toujours, voilà. C'est un peu étonnant pour moi. Je suis lesbienne non-binaire et je milite pour les droits des personnes LGBTQIA+, aussi depuis une trentaine d'années, puisqu'en fait, j'ai eu la chance de militer à Lille au Flamant Rose, dans un groupe mixte, qu'on disait gay et lesbien à l'époque, et puis à ACT UP Lille, voilà. Et depuis une vingtaine d'années, je suis également sœur de la perpétuelle indulgence. Mon nom de sœur, c'est Sœur Salem de la langue ardente. Quand on se connaîtra un petit peu plus, je vous raconterai un peu plus la suite. Et puis, Diego, parce que je suis un drag king et j'ai eu la chance, depuis une vingtaine d'années, de faire du king aussi à Lyon. Et donc, ravie de voir cette explosion des pratiques et des générations de drag, quels qu'ils soient. Et c'est extraordinaire. Et donc, moi, je fais partie du collectif QueerCode. Et puis également, la lutte m'a amenée à prendre soin, à soigner. Notamment, là, depuis une dizaine d'années, je suis art-thérapeute et on évoquera éventuellement cette dimension-là d'archiver en prenant soin. Donc notamment, je suis venue avec la borne de jeu Trace, qui est vraiment conçue pour qu'on prenne soin de nous et prendre soin des autres. Voilà. Peut-être ouais, pour compléter et aussi dire comment est-ce que nous, on se connaît. J'ai traîné dans les trucs d'archives pendant un moment à Mémoire minoritaire, à la bibliothèque du centre LGBTI, blablabla. Et que du coup, on a pas mal traîné avec Salem à être un peu les sœurs du rail et aller s'investir un petit peu partout pour discuter de ce qu'on faisait. Et qu'effectivement, on est aussi réunis par les trucs de soins. Et moi, je suis aussi une des organisatrices du week-end Transfemme, dont il y a la deuxième édition cette année. Et que du coup, je pense que c'est des choses qui nous relient pas mal aussi, toutes ces questions-là. Quoi. Les choses qui nous relient, les luttes LGBTQI+, les luttes queer, les questions d'archives, on n'a qu'une heure. Du coup, ce que je voulais vous proposer, c'est de partir de deux exemples sur deux choses que vous faites en ce moment. Donc, ce que tu as évoqué, Isabelle, sur Trace, le jeu vidéo, et Louve, ce que tu as aussi évoqué sur tes ateliers sur l'histoire des luttes trans. Donner un exemple pour donner un peu de contexte sur ce que vous faites en ce moment. Mais c'est vrai qu'en fait, il y aurait tellement à dire sur lutte et archives. Donc l'idée, c'était de vous donner envie, partager aussi la fièvre des luttes et des archives et de partir de nos pratiques. Moi, en fait, j'ai cofondé la Fabrique Art en 2015 avec des personnes vivant avec le VIH, des soignantes, avec aussi des artistes, dont ma compagne. Et en fait, c'était vraiment un moment de chemin de vie important pour moi, de réouvrir un nouveau chapitre collectif. On avait lutté ensemble une quinzaine d'années à Lille, dans différentes associations, à Aide, au Flamant Rose, aux Sœurs, avec des médecins. Et en fait, on a créé cette association La Fabricarde pour se dire, voilà, de cette histoire de la lutte contre le sida et des droits des LGBTQI, qu'est-ce qu'on pouvait créer comme soin, et notamment autour des pratiques artistiques. Vous êtes très indulgents avec nous les sœurs, donc on vous remercie. Mais bon, c'est vrai que cette pratique artistique de performer des genres, de s'amuser avec les paillettes, moi ça m'a amené aussi à construire des soins communautaires. Et en fait, on s'est tapé la Covid il n'y a pas très longtemps. Alors ma compagne me dirait, non, tu dis le Covid, on ne va pas me féminiser. Donc le Covid, hein, d'abord. Et c'est vrai que moi, ça m'a mis un peu en PLS. J'ai failli perdre un de mes meilleurs amis. J'ai vraiment eu un revival des débuts des années SIDA. Et comment collecter des fonds, comment se soutenir, comment continuer de diffuser des messages de prévention, comment transmettre et partager du matériel de prévention alors qu'on ne pouvait pas se retrouver. Donc on a cherché dans l'histoire de nos luttes. Et en fait, en cherchant, on a découvert une histoire extraordinaire, je vous l'ai dit très rapidement. En 89, il y a une personne non-binaire qui a créé un jeu vidéo à San Francisco pour collecter des fonds. Alors, sur une petite disquette de l'époque pour les Mac, puisque c'était les premiers ordinateurs accessibles à tous et à toutes de l'époque, mais aussi sur le dark web de l'époque. Quand on a découvert cette histoire, on était en plein confinement de la première vague et on s'est dit, mais waouh, en fait, ça nous a beaucoup inspiré et ça nous a donné de la patate. Et on s'est dit, ben voilà, on ne peut pas collecter des fonds comme d'habitude pour le SIDAction. Et si on faisait comme ces personnes, comme nos aînés, et on a fait en mode garage DIY, et donc on a décidé que pour le SIDAction de mars 2021, qu'on avait collecté des fonds, comme l'avaient fait ces activistes de San Francisco en 89. Et ça nous a donné de l'énergie de se plonger dans cette histoire. Alors, moi, je ne suis pas gameuse, je ne vais pas vous la raconter. Mais je fais plein de choses avec des gameuses et des gamers. Et ça, c'est génial. Je me suis découvert, en fait, une histoire. Puisque les jeux vidéo, ça s'archive. Notamment la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, archive des jeux vidéo, notamment les nôtres. Et puis, il y a aussi des activistes LGBTQI qui archivent les jeux LGBTQI. Donc, vous voyez, comme quoi, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, hein, je me la joue, mais je sais ça depuis peu. Et en fait, en découvrant cette histoire via ces archives, eh bien, ça nous a donné l'énergie de collecter des fonds. Et on s'est rendu compte qu'au même moment, il y avait Cœur de Gamer, qui est une grosse association de joueurs en ligne, qui en fait crée le même dispositif que nous. Alors eux, ils n'ont pas créé un jeu comme nous, mais ils ont créé des jeux en ligne pour collecter. Ils ont collecté beaucoup, beaucoup d'argent. Donc on s'est dit, bah, tiens, c'est étonnant. Il se passe des choses en fait, autour de la pratique du jeu vidéo. On en évoquera un peu plus après aussi le pourquoi. Alors donc, il faut hacker les outils d'aujourd'hui, donc le jeu vidéo, pour raconter notre histoire, pour lutter. On a décidé de hacker une technologie très accessible. Moi, je suis une grande dyslexique qui, en fait, est un outil libre. Ça s'appelle Bitsy. C'est un outil qui est utilisé beaucoup par des jeunes LGBTQI. Et en fait, l'idée est d'utiliser leur outil, c'est de dire, j'ai 50 ans, j'en ai pas 22, je suis lesbienne, etc. Mais moi, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que tu utilises comme outil de lutte pour témoigner. Et en fait, ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on a créé depuis 3 jeux vidéo, 3 épisodes de traces. Et il y a un impact très, très fort auprès de ces très jeunes, mais aussi des plus vieilles comme moi et comme d'autres. Puisque le jeu, c'est comme de tous, ça s'apprend. Hein. Donc peut-être que tout à l'heure, vous allez vous galérer à mort à jouer à Trace 2, vous allez vous promener en manif. Pas de panique, c'est comme quand on fait une première manif et qu'on se demande un peu les codes, comment il faut faire, est-ce qu'on vient avec telle baise en ville ou avec un autre, si on met un boa, pas un boa, bref, des questions existentielles très importantes. Et donc vous commencerez le jeu en choisissant votre t-shirt. Déjà là, comme moi qui ai plusieurs chapelles, c'est toujours très compliqué dans ma vie. Heureusement, il y a des... Est-ce que tu peux raconter un tout petit peu de Trace 2 ou même de la trilogie? Oui, alors bon, on se la pète, on dit aux trilogies. En fait, au départ, on a dit, bon, on va essayer d'en faire un de jeu. Alors, pourquoi, en fait, lutter? Donc, moi, je suis plutôt fleur des trottoirs en tant que sœur. On est plutôt manif, aller dans les fêtes, partager les informations, organiser des ressourcements. Donc là, effectivement, utiliser des pixels, c'est pas forcément une pratique de lutte que j'ai habituellement. Mais en fait, c'est une histoire. Donc, c'est comme dans nos cabarets, c'est comme dans nos messes, je ne sais pas si vous en avez vu. On raconte une histoire via les chansons, via ben, voilà, les merveilleuses créatures qui peuvent être tatouées sur nous. Et en fait, ben, un jeu vidéo, c'est la même chose, on raconte une histoire. Et nous, on essaye de prendre attention à raconter des histoires qu'on n'entend pas partout, qu'on n'entend pas au Mucem, qu'on n'entend pas au Palais de Tokyo ou ailleurs. C'est-à-dire des histoires notamment de province. Donc moi, je suis d'une ch'ti, je suis de Lille. Maintenant, je suis à Montpellier. Et l'idée, ben, c'est de prendre attention à des histoires qui ne sont pas remontées à la capitale. Des manifs qui peuvent être l'existence à Paris, mais qui peuvent aussi rayonner voilà, auprès d'autres groupes. Et donc, ben, dans le 2, en fait, vous partez en manif pour la Journée mondiale de lutte contre le sida. Et quand on l'a fait, en fait, c'était encore très compliqué de lutter, d'être ensemble en rue. Parce que, ben, comme vous le savez... nos capacités, nos santé sont différentes et plurielles. Et donc, manifester en 2021, c'est encore compliqué pour certains d'entre nous. Et ça l'est pour moi, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je suis à motricité réduite. Donc, je ne l'ai pas toujours été. Et aujourd'hui, je ne peux plus faire une manif de A à Z, si je puis dire. L'idée aussi du jeu, c'est que bah, voilà, moi, je ne peux pas faire une manif aujourd'hui entier, mais en jouant, je peux faire une manif. Et je me rends compte, en fait, que ça m'apporte énormément, moi qui ne bah, vais pas pouvoir faire les prides qui ont commencé depuis un certain nombre de semaines. Mais le jeu vidéo, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que, ben, en fait, on bouge, en fait, vraiment. Donc, vous allez bouger, vous allez vous retrouver, en fait, à faire une manif qui a eu lieu à Montpellier, sur une action très forte. Des activistes, en fait, ont mis des croix qui symbolisaient des mortes et des morts du sida de la ville de Montpellier. Et en fait, quand je parle de cette action à des jeunes activistes aujourd'hui à Montpellier, personne ne connaît cette histoire. Quand on joue et que vous vous retrouvez à devoir faire attention à slalomer, eh bien, c'est aussi une façon quand même de s'imaginer. Alors là, bien sûr, c'est des pixels, mais quand même, il se passe quelque chose corporellement. Aussi de se dire que, bah, tiens, si je suis un gay cis et que je mets un t-shirt de Gwyn pour faire un 1er décembre, qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens dans cet espace public? Ou si, tiens, je découvre que avant que les anti-IVG, eh bien, nous, on avait aussi à Aide une marche. Et Morgane a fait un très bel article dans l'un des derniers remèdes sur l'histoire de la marche pour la vie, qui était une manifestation très importante de lutte contre le sida. Eh bien, c'est important aussi de se réapproprier ces mots qui nous sont volés par certains et certaines. Et donc, c'est important aussi, même symboliquement. Et donc, vous allez faire la manif un peu comme moi, avec une canne. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Vous allez vous régaler et vous allez faire comme moi en tant que sœur, toutes les chapelles de la lutte contre le sida. Vous allez voir les copines putes, vous allez voir les copines dragues qui collectent des fonds. Vous allez pouvoir rencontrer plein de gens super. Voilà. Comme toujours en manif. Hein, voilà. Donc rendez-vous à la borne d'arcade juste après la discussion. Louf, toi aussi dans ton atelier, tu racontes des récits qui font pas trop partie de nos imaginaires d'histoire de lutte. J'ai été pas mal inspiré par pas mal de monde, dont Salem, sur le truc de que se raconter des histoires, c'était source de force, blablabla, etc. Ce qui au début me semblait un truc un peu rhétorique. Hein. Et du coup, à un moment, j'étais en mode, ah bah tiens, faisons-le en pratique. Et du coup, je me suis intéressé à l'histoire des luttes trans, à lire différents textes qui existent, essayer de retrouver un peu des archives, etc. Et à faire ça dans mon coin. Jusqu'à ce que, du coup, moi, j'étais à accepter ST déjà. Et je donnais des formations aux bénévoles sur... les hormones, sur les transitions administratives, sur plein de choses. Et du coup, un jour, quelqu'un m'a demandé bah, « En fait, vu que tu fais tout ça, tu ne veux pas nous donner une formation sur l'histoire des luttes trans hein ?» Ce à quoi, évidemment, j'ai répondu « Non, je ne suis pas historienne. » Et après, j'étais en mode « Bon. » Surtout, je me suis dit « Non, je vais raconter des choses fausses. Hein. » Sous-entendu, je n'ai pas croisé les sources, je n'ai pas blablabla. Et puis, à un moment, je pense que bah, le fait d'avoir... pas mal discuté avec beaucoup de gens les années d'avant, j'ai fini par me dire, mais en fait, c'est pas si grave hein, de raconter des choses fausses. Hein. Quelque part, parfois, il vaut mieux se raconter des histoires fausses que pas s'en raconter du tout et de pas avoir de passé du tout. Et il y avait un peu ce truc aussi de, je pense, qui m'a pas mal animé, qui sont des. Ce truc de Monique Wittig de quand on n'a pas d'archives, on les invente. Hein, et ce truc qui, je pense, est ressorti dans pas mal d'événements auxquels j'ai assisté, nanana. Et du coup, je me suis dit, bah, allons-y. Et donc, j'ai façonné un peu cet atelier d'histoire des luttes trans. Qui au début était complètement à l'arrache, où j'étais à accepter ST avec des personnes qui avaient pas du tout les mêmes âges, pas du tout les mêmes origines géographiques, pas du tout les mêmes histoires. Hein. Et en fait, j'ai donné cet atelier et en fait, au final, on a passé plus de 4 heures à parler et on s'est arrêté aux années 90. Quoi. On n'a pas réussi à faire après parce que juste tout le monde était tellement exténué. Et en fait, j'étais en mode, ah mais on a un milliard d'histoires à se raconter, les gens sont super intéressés par toutes ces histoires-là. Un des ateliers que j'avais donné, c'était par exemple au Front Transfemme. Et le Front Transfemme, il y avait tout ce truc de valoriser l'autosupport communautaire et compagnie. Et du coup, moi, j'étais en mode « Ah, mais ce serait trop chouette de visibiliser le fait que l'autosupport, ça a une histoire. Hein. C'est très ancien. Et l'autosupport trans, on peut le faire remonter déjà aux années 40 au moins. » Et en fait, que parfois, il y a des choses qui sont survisibilisées en mode la culture du cabaret, travesti, et puis du coup, les meufs trans dans la culture cabaret, blablabla, et qui évidemment, ça ne s'appelait pas meufs trans à ce moment-là. Et où du coup, genre, on visibilise jamais qu'en fait, le cabaret, c'est un moment d'auto-organisation, c'est un moment où les gens s'échangent des infos sur les hormones, s'échangent des infos sur les chires, hein, s'échangent des infos sur les cabinets d'épilation. Enfin, il y a vraiment véritablement une meuf qui tenait un cabinet d'épilation et dont la compagne venait apporter du champagne au cabaret du Carousel et de Madame Arthur. Enfin, du coup, il y a tous ces liens-là qui existent, hein, et que je trouvais ça trop intéressant de les raconter. Et en même temps, du coup, je suis arrivé par exemple, au Front Transfemme. Je prends cet exemple-là parce que je trouve qu'il est intéressant avec ça. Et en disant, mais venez pour commencer. Et si on se racontait déjà l'histoire de là où on est et c'est quoi le Front Transfemme. Et en fait, je me suis rendu compte que aucune personne dans la salle ne savait raconter l'histoire du collectif, qui à ce moment-là avait un an et demi d'existence, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment visibilisé ce truc de « Ah mais en fait, on sait pas grand-chose, ou en tout cas, on sait des choses qu'on se raconte pas. » Et du coup, je pense que ça a donné aussi de l'intérêt à ce genre d'atelier de « En fait, c'est aussi pouvoir aller dans des endroits et dire « Venez, on commence par raconter cette histoire-là. » C'est un truc que j'ai trouvé vachement chouette dans Trace, par exemple, dans le deuxième, où c'est vachement ancré à Montpellier. Ce truc d'aller-retour aussi entre des histoires locales, des histoires nationales, des histoires mondiales aussi. Après, à Accept ST, les gens étaient en mode, mais en fait, viens, on devrait donner cet atelier quand on va former les professionnels. Hein. Donc là, ça veut dire vraiment aller former des travailleurs sociaux, des psychiatres. Et du coup, moi, évidemment, j'ai commencé par dire non, je ne comprends pas l'intérêt. Et après, je me suis dit, bon, on n'a qu'à essayer et voir ce que ça donne. Et en fait, c'est fascinant parce que du coup, c'est pareil. En fait, c'est une autre façon de faire de l'histoire locale où je sais que là, on allait former un centre de prévention du suicide. Hein, et où vraiment, moi, je suis arrivé en me disant, on va faire l'histoire des luttes trans. Mais en fait, ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fait, on va faire l'histoire de la transphobie. Et en fait, on va faire votre histoire. Hein, parce que dans la salle, il y avait des psychologues, il y avait des psychiatres. Et je suis en mode, est-ce qu'on vous a déjà raconté votre histoire ou pas avec cet angle-là? Et en fait, ça, je trouvais ça vachement intéressant de faire l'histoire des médecins sous l'angle des études trans, de l'histoire trans et compagnie. Voilà. Et petit à petit, on a développé des petits outils. On a une petite frise chronologique qu'on leur fait faire et tout. Et puis peut-être après, on parlera plus de ce truc-là. J'ai aussi un jeu qui s'appelle « Qui a dit quoi et quand ?» et où du coup, je leur mets des citations de psychiatres hein, et ils doivent deviner quand est-ce que ça a été dit. Et en fait, l'astuce, c'est qu'il y a vraiment des choses où genre, ça peut être dit dans les années 50 ou dans les années 2020 et on ne voit pas la différence. C'est les mêmes mots quasiment. Voilà, on voit juste si la personne dit transsexuelle ou transgenre, quoi. C'est vraiment genre la seule chose qui... C'est encore des ateliers qui sont en construction et où, notamment, je pense que quand j'ai joué à Trace, là, il y a 2 semaines, ça fait un moment que tu me parlais de Trace et puis moi, j'étais en mode « Oui, oui, un jour, j'y jouerai. Les jeux vidéo, c'est plus trop mon truc. Ça a été un moment, nanana. » Et en fait, j'y ai joué il y a 2 semaines et j'ai vraiment genre fondu en larmes en jouant à Trace. Et je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable d'avoir aussi des supports qui suscitent autant d'émotions, d'envie et de désir. Et je me suis un peu demandé comment est-ce qu'on inclut ça. Enfin voilà, j'ai pas mal de réflexions. Mais je sais pas exactement où je vais, du coup, je vais peut-être m'arrêter là. Bonsoir. Portrait Dorian Gray en 4D. Trottoir multicolore, mouchoir d'arrêt maladie, compte courant carencé, 100 millénaires sur micro plastique, une brique de lait totem glisse, vitrine frigo poubelle, et moi berceau bureau cercueil. Sur les pavés, la plage capitaliste, le sable en écran tactile, la mer en vague Covid. Joconde à ciel ouvert, les touristes en file indienne s'échouent sur les grèves françaises. Notre destination se trouve sur la gauche. Finale de Coupe de France, le Black Bloc en défense shoot dans la grenade désencerclement. But en petite lucarne, sensation bulletin dans l'urne, l'arbitre siffle un hors-jeu. La rue est illégitime, je répète, la rue est illégitime. Gaz lacrymo sur idées noires, trop tard, la foule se grise. À la mi-temps, sérum fille en intraveineuse, il faut sauver la démocratie. Carton rouge pour grenade sous cloche, pour main dans la culotte, pour nas illégale, pour charge arbitraire, pour bravue, pour délit de faciès, pour insulte, pour trouble au désordre public, pour meurtre, pour matraquage sur dos courbé trop longtemps. L'arbitre a le carton rouge côté cœur, il lève la main, applaudit l'oppresseur. À la recherche du temps perdu dans la télé, dans les enfants que l'on fait, dans les dimanches, dans les vacances, on n'est plus jamais nulle part en entier. On ressuscite les secondes sur Uber Eats. Cinquième étage. Merci monsieur, bonne soirée. Un dernier bon courage pour boire à l'esclave modèle. Dis-moi combien de rues t'a-t-il fallu traverser ? Les coutures du capitalisme se dilatent, le rembourrage remonte à la surface. Des petits hommes verts et des petites femmes bleues bâtissent, réparent, ramassent, essuient, nettoient, cuisinent, en soignent, soignent, consolent, écoutent. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. Antigone tombe à Sainte-Soline. Macréon refuse d'enterrer sa méga bassine. Portrait Dorian Gray, gueule cassée, face cachée d'une machine à remonter le temps. Notre sang coule dans vos veines batailles. Le portrait est au Pakistan, dans les forêts rouges de Californie, à Nauru, dans le delta du Gange, à Norilsk, sur la grande barrière de corail qui n'en finit pas de pâlir, pâlir, pâlir, pâlir les signes d'un suicide à bout portant. Déboulonner toutes les statues du monde, botoxer l'histoire, l'histoire ne rajeunit pas, nous non plus. Le portrait est dans leur voix, leur mépris, leur syllogisme véreux, leur bêtise. Et si les héritiers du vieux monde ne meurent jamais, nous non plus. Merci. Tu l'es noirci. Et le dernier, et après j'arrête. Cent ans de solitude avant l'heure, dans mes cris brûlés. À 11 ans, il a mis la société dans ma bouche, c'était mon premier, tu as mal compris. J'ai décoloré, rasé, épilé, minci, grossi, rallongé, raccourci, décoloré, rasé, je suis restée l'autre. Ce soir, j'ai tué le propriétaire du miroir. Nous, la démarche, c'est aussi de se dire qu'en fait, on a tous et toutes des archives, en fait. Là, par exemple, moi, je suis venue, j'ai pas... aujourd'hui avec un t-shirt qui est une archive pour moi très importante, qui est en fait le t-shirt que m'a donné un artiste gay qui est décédé il y a peu à Lyon, qui est Jean-Baptiste Carré, et en fait c'est des patchworks de sœurs qu'il a pu photographier à San Francisco, et il a aussi donné des livres notamment sur le patchwork que vous pouvez lire à la merveilleuse bibliothèque des mémoires minoritaires. On a tous des objets, des tracts, des affiches. Et l'idée, effectivement, nous, c'est aussi d'aller aussi questionner leur présence dans des collections. Donc, par exemple, dans le Trace 3, on évoque en fait les archives nationales. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, nos archives se retrouvent dans des merveilleux coffres-forts. Et parfois, donc, pour y accéder, il faut qu'on trouve des médiations, en fait, qu'on trouve aussi des chemins. Et donc, c'est vrai que dans Trace 3, vous retrouvez en fait dans une sorte de mosaïque qui fait un clin d'œil. On s'est inscrit dans une histoire locale, comme tu disais, de Nîmes. Une histoire de lutte très importante, c'est la ville où il y a eu le premier échangeur-distributeur de seringues grâce à la mobilisation des activistes, notamment de AIDE, mais de plein d'autres associations aussi. Comment, en fait, en jouant, on peut relier des archives qui ne sont pas toujours accessibles pour différentes raisons, et aussi les pimper des nôtres, en fait. Hier, j'étais avec un gang de roller derby, donc un gang de Gwyn et de personnes trans extraordinaires. Ils ont aussi une histoire par rapport à la lutte contre le sida, mais qu'elles ne connaissent pas. Et c'est aussi leur donner envie via ce jeu. Vous verrez, vous pourrez donc tous aller aller soutenir le prochain match de roller derby qui va soutenir la lutte contre le sida. Donc vous voyez, en fait, c'est de la pure propagande. Hein. Donc vous allez jouer à Trace. Attention, propagande. Hein. Bah, c'est cultiver la fierté. Alors on est dans le mois des fiertés, on est beaucoup à être très critique concernant cette fierté très pinkwashée. Mais effectivement, quand on crée, alors que ce soit un jeu vidéo ou autre chose, nous, on est très, très fiers. Et là, nous, on a pu être fiers avec des personnes qui étaient LGBT, mais aussi avec des jeunes qui sont peut-être très, très, très hétérosexuels, très, très hétéronormatifs, parce que, ben voilà, sous le joug de plein d'injonctions de la société. Et en fait, de faire ensemble, de créer ensemble, ça permet de créer des liens. Petite anecdote, en fait, donc on a appris à des jeunes à utiliser Bitsy et à faire des jeux vidéo. Et il y a un jeune, entre guillemets, de quartier, comme disent certains, malheureusement. Et en fait, il était à 300%. Et il a fait un jeu, et puis il me le montre. Puis je dis... Ouais, c'est un peu... ça s'appelle Backroom, ton jeu. Ok, d'accord. Et alors quoi? Donc, d'accord. Et alors, je ne comprenais pas du tout les dialogues, parce que ce sont beaucoup de jeux narratifs. Je me disais, mais c'est hyper homophobe, en fait. Qu'est-ce qu'il me fait quoi? Il me fait un fuck comme ça, enfin... Et en fait, j'ai découvert, je vous le dis comme ça au cas où, en fait, y a plein de jeunes qui jouent à des jeux Backroom, mais qui ne sont pas nos Backroom à nous, mais qui sont des labyrinthes. Et en fait, je lui dis, mais tu sais, moi... En tant que personne qui est issue d'une certaine communauté, Backroom, ça a une autre explication, c'est une autre pratique, en fait. Et c'était très intéressant parce que vraiment, ce jeune ne me faisait pas un gros fuck, en fait, il n'avait aucune idée. Et on a dialogué justement sur le sens, en fait, et de prendre attention en disant, ben voilà, peut-être qu'on dit des choses et pour quelqu'un d'autre, ça a un autre sens, etc. C'est une autre histoire. Tout ça pour dire que c'était très, très riche et c'était super intéressant parce qu'il y avait des gays et des lesbiennes dans le groupe. Et ça leur a permis aussi d'entendre, voilà, qu'on pouvait aussi être ensemble avec des définitions très différentes du mot backroom. C'est possible, je vous assure. Je l'ai vécu il y a peu et tout va bien. Et d'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à ce jeune qui a fait dans la mosaïque qu'on a créée de labyrinthe. Je ne sais plus trop ce que tu as dit parce que tu as évoqué plein de choses. En tout cas, ce que je pense intéressant avec les archives, c'est que parfois on ne peut pas se déplacer. Alors c'est intéressant que nous, militantes et militants de l'accessibilité à l'archive, on prenne attention à ça et qu'on crée donc plein de supports pour rendre accessibles nos histoires, nos archives. Vous verrez, c'est très kitsch. Hein. Les photos de Jean-Baptiste Carré, on les a pixelisées. Il faut mieux voir les originales. Mais l'idée, c'est qu'on vous donne envie. Et puis, bien sur le site internet, il y a un petit document qui s'appelle ressources et on vous donne un lien. Puis vous allez vous retrouver, paf, dans la bibliothèque municipale de Lyon qui a ces photos. Donc voilà, c'est un petit chemin, un petit caillou pour vous donner envie d'aller voir les originaux. Mais aussi se dire que les originaux, parfois, à nous de nous les rapproprier pour nous les rendre accessibles. Et ça, je crois que c'est important. Et oui, c'est assez réjouissant de dire que par le jeu et par la narration du jeu vidéo, il peut y avoir ce récit qui a été construit à plein de voix et qui en fait va continuer à se déplacer et continuer à donner de la place à de la curiosité. Et du coup, je fais le lien avec Timeline, qui est une autre façon de fabriquer un jeu en collaborant. Mais peut-être que tu peux du coup le raconter, ou pour l'instant, c'est plutôt un projet. C'est comme une déclinaison de l'atelier des luttes trans sous forme de jeu, c'est ça ? L'histoire trans de base n'est pas connue. Enfin, c'est toujours le retour des ateliers. C'est en mode, genre, en fait, c'est pas que les gens sont en mode, ah, j'ignorais ça, c'est que les gens sont en mode, je ne savais rien. Du coup, genre, on part quand même de là, quoi. Et aussi, j'ai l'impression que nous-mêmes, quand on est à l'intersection de plusieurs histoires, par exemple, moi, en tant que personne transfemme PD, si c'était pour me rattacher à une histoire, c'était toujours d'histoire PD. Puis ça m'a pris un certain temps pour me dire, en fait, c'est pas juste ça, c'est aussi juste que l'histoire transfemme, elle est pas racontée. Du coup, je voudrais bien essayer de me rattacher à quelque chose, mais juste, genre, ça ne s'attrape pas, quoi. C'est très immatériel, quoi. Et où, au contraire, il y a eu effectivement ce truc de, dans l'histoire PD, en fait, d'effacer que plein de grands personnages de l'histoire PD, en fait, c'est des travestis, des travelots, des personnes transfemmes, des meufs trans, des femmes, enfin, dans tout ce spectre-là, quoi. Et du coup, je trouve ça chouette dans ces ateliers de se dire, mais en fait, il y a toute cette profondeur-là. Et aussi qu'il y a évidemment les propres jeux d'effacement et de visibilité, qu'il y a tout ce truc de une histoire transfemme qui est beaucoup plus facile à trouver qu'une histoire transmasque, par exemple. Et en même temps, quand on va chercher, par exemple, dans les archives de l'intime, par exemple, les récits transfemmes sont plus faciles à trouver, mais en fait, dans les récits transfemmes, il y a des mecs trans. Et du coup, genre, je trouve ça chouette de réussir à prendre cette histoire par tous les bouts pour refaire toute cette histoire et tout. Vraiment, sur l'histoire trans en France, il y a genre un bouquin qui existe vraiment, qui est ce truc de Maxime Förster qui s'appelle, Elle ou lui, une histoire de transsexuel en France, qui a vraiment le mérite d'exister. Oui, étrangement, l'intérieur est moins pire que le titre. Alors, c'est une histoire qui est racontée, il n'y a jamais aucune source qui est citée, donc on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et en même temps, bah, heureusement que ça existe, quoi. Enfin, franchement, ça fait grave du bien. Et quand tu le lis, ça se lit comme un roman. Et t'es là, genre, ah, waouh. Il y a plein de choses qu'il dit où t'es là, genre, tu sais que juste, il surkiffe Coccinelle. Et du coup, il fait un chapitre entier sur Coccinelle. Hein, où t'es là en mode, mais nous aussi, on surkiffe Coccinelle, tu vois, mais peut-être, tu vois. Et en même temps, il parle aussi de plein de figures qu'on ne connaît pas, nanana. Mais dans cette histoire-là, et lui-même le dit, en fait, il y a un truc de, bah, évidemment, l'histoire parisienne est beaucoup plus facile à trouver que le reste. Hein. L'histoire des luttes qui est racontée, c'est l'histoire des associations. Les associations qui sont visibles, c'est pas toutes. Hein. Je disais ce matin que Acceptez, c'est à la confluence des luttes contre le SIDA, lutte TDS et lutte trans. Hein. Bah, en fait, l'histoire de la lutte contre le VIH-SIDA dans les luttes trans, elle est très peu racontée. Alors qu'en fait, même dans les années 90, quand il y a eu un foisonnement associatif, bah, en fait, il y avait le PAST. Hein. Des assos des années 90, c'est la première. Hein. Et c'est une asso TDS, de lutte contre le SIDA. Hein. Enfin, et du coup, je trouve ça chouette de aussi réimbriquer toutes ces histoires. Hein. Et réimbriquer l'histoire trans, l'histoire du sida, l'histoire TDS, l'histoire médicale, l'histoire psychiatrique, l'histoire légale, et en fait de tisser un peu tous ces petits trucs-là ensemble, quoi. Et du coup, donc ça, c'est la première petite annonce. Si jamais vous avez envie qu'on organise des ateliers d'histoire du trans dans les villes où vous êtes, dans les collectifs où vous êtes, c'est très chouette. Hein. Voilà, et vraiment, c'est extrêmement drôle, quoi. Enfin, ça fait grave plaisir à tout le monde. Hein. Et ça donne l'occasion d'inviter, en fait, un peu les militants militantes qui sortent plus de chez elles, qui se sentent pas concernés par les luttes actuelles et qui, en fait, là, vont ressortir pour aussi raconter des histoires qu'on oublie. Bah, à Lyon, ça ferait du bien aussi, une petite annonce comme ça, quoi, de faire l'histoire de Transinfo, qui existait avant Chrysalide des Jardins d'été, de faire l'histoire de ce qu'il y avait avant ça. Enfin, tous ces trucs-là, je trouve que ce serait chouette de faire l'histoire des squats, hein. Ce truc d'avoir une frise chronologique où les gens doivent replacer des événements, ça ressemble beaucoup au jeu Timeline, que je ne sais pas si des gens ici connaissent ou pas, où on a en fait plein d'événements de la grande histoire, hein, et ce que bon, c'est très straight, hein, et il faut replacer qu'est-ce qui s'est passé avant quoi, qu'est-ce qui s'est passé après, etc. Sans avoir les dates, il y a juste la description de l'événement et il faut les mettre dans l'ordre. Mmh. C'est ça. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, ce serait vachement chouette de partir de ce truc qu'on a sur l'histoire des luttes trans pour en faire bah, un jeu. Déjà, ça peut être un objet qui est un peu joli. Ça peut être l'occasion d'aller, bah, pourquoi pas, vérifier des sources, ce que moi, je n'ai pas complètement fait. Et aussi, du coup, que ça se diffuse, que ce soit un truc qui soit dans les centres LGBT, nanana. Pourquoi pas se dire, en fait, on fait un kit de base, vous savez, un peu comme le Jungle Speed, quoi. Un peu le truc de base pour les noobs. Et après, on fait des petits trucs pour les gens qui ont envie de se galérer un peu plus. Hein. Et du coup, pourquoi pas un kit de base un peu LGBTI, avec bah, du coup, tout ce que ça implique de qu'est-ce qu'on va mettre ou pas dedans. Ce qui, je pense, va être voilà, une occasion de se mettre un peu sur la gueule et de faire quelque chose. Et après, des kits spécialisés de hop, et viens, si tu veux genre, approfondir sur l'histoire des luttes trans, bah, tu vas avoir le kit de base plus le kit lutte trans. Enfin, je me dis que ce serait chouette s'il y a des gens que ça motive de faire un petit groupe, de réfléchir à ça. Je pense que ce serait vraiment un outil très simple et très efficace. Juste aussi pour dire que des fois, on se dit, bah voilà, on lutte et comment archiver, comment faire ça en même temps. Enfin bref, on n'y arrive pas et c'est la grosse galère, on se met des énormes pressions. Et nous, là, on a vécu un moment assez intense, en fait, avec les étudiantes et étudiants des Arts Déco de Paris, qui, en fait, ont bloqué leur école, comme beaucoup d'étudiantes de Beaux-Arts en France, et comme beaucoup de personnes qui ont milité ces derniers temps aussi par rapport à lutter contre ces lois infâmes concernant nos retraites. Ben, nous, on les a rencontrés parce qu'on devait faire, justement, un trace 4 avec ces étudiants. Et puis, ce n'était pas les enjeux de leur lutte. Ils étaient, voilà. Et on leur a dit, ben, qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Et ils ont eu besoin ben, de découvrir nos jeux. Donc, ça a été super. Et puis, ben, ces étudiantes et étudiants ont documenté leur lutte. Ils ont fait des scénettes de jeux vidéo où ça raconte leur histoire de lutte pendant qu'ils faisaient leur lutte. Ils revenaient d'action et puis on passait 2-3 heures ensemble à coder, à raconter. Ça faisait une sorte de boucle d'auto-soutien, de soutien communautaire pour pouvoir après repartir en mobilisation. Certaines avaient été blessées par la police. Et donc, c'était aussi une façon de continuer la lutte dans l'atelier à parler de ces répressions, mais aussi à évoquer... des utopies victorieuses, je me suis dit, en fait, c'est assez extraordinaire. Là, ici, on pourrait passer quelques heures à un moment à faire 2-3 scénettes en même temps que ça se passe, en fait. C'est assez rapide. Il y a pas mal de personnes geeks, je suis sûre aussi, si on passe des petites annonces pour nous aider pour faire ce genre de folie. Et puis aussi, se dire qu'il n'y a pas de pratique mieux que d'autres. Et ça, je pense que c'est important parce qu'on est encore beaucoup dans nos luttes, en fait, à hiérarchiser, voilà, la personne qui va être sur le trottoir à se prendre un coup de maître, waouh, super. Puis la personne qui est chez elle à envoyer des informations sur les réseaux sociaux, bref. Et c'est vrai que parfois, se retrouver sur des pratiques communes, c'est important. Ben, lutter, c'est se soigner, et se soigner, c'est lutter. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à travailler avec les archives et avec ce merveilleux réseau Big Data. On va être en sursanté, là, je le sens bien. En tant que non-geek, très très nul avec l'informatique, je me demandais, quand tu décris la manière dont vous avez fait les CNET sur l'instant T, concrètement, comment ça se passe? Vous passez par quelle technique? Comment ça se fait que vous arrivez à faire ça en instant, tu vois? Alors, c'est comme quand on fait un zine, c'est comme quand on fait une affiche, c'est comme quand on fait... quel que soit le support, on va préparer une sorte de scénario ensemble, tu vois, en parlant, en dessinant. Ce que je trouve intéressant, qu'on a peu de moyens, et on le sait malheureusement, pas mal d'entre nous ici, mais ça nous donne en fait aussi plein de possibilités d'action, et on le voit ici en fait. Hein. La contrainte permet d'exprimer une créativité. Ben là, tu as des carrés. Donc avec des carrés, comment faire un petit personnage? Donc si par exemple moi je suis très très nulle en petit carré pixel, bah quelqu'un va t'aider en fait et à réaliser ton idée, ton envie. Puis surtout en fait on va expérimenter ta première idée, puis on va se rendre compte que ça marche pas du tout, mais pas du tout. Mais ça va donner une autre idée et là on va la réaliser. Oui, il faut 2-3 heures pour découvrir ce langage. Bon, après, c'est comme de tout. Plus on pratique, plus ça, tu vois, tu réagis plus vite. Et puis après aussi, ben, c'est s'entraider. Et on peut donner, on a fait un document pour aider aussi à des prises en main. Donc si vous êtes intéressé, que ce soit QR code, la Fabricarte, il y a de quoi nous contacter sur nos sites. Et on vous envoie, on a fait des petits livrets, des petits PDF, comme ça, ça donne voilà, la base de ces outils. Les façons dont vous pensez les jeux et les outils que vous utilisez pour faire ça, moi, ça me fait penser aux questions de déprivatiser des archives, parce qu'en fait, les deux façons de penser les jeux, c'est en open source. Ce que vous faites là, c'est aussi sortir les archives des collections, des musées dont elles sortent une fois tous les... Et des fonds privés. Est-ce qu'il y a des stratégies pour les faire sortir aussi et les garder un peu accessibles? Bah disons que c'est conscientiser. Alors déjà, c'est de l'auto-soin. Moi, par exemple, j'ai mes propres archives. Alors pour l'instant, je n'ai pas encore transmis peut-être aux RCL un jour ou à d'autres. Mais par exemple, il y a une banderole Sida et Galmore qu'on a mis sur le théâtre de Lille dans les années 90, dans le jeu épisode de Trace. Bah, j'ai encore l'archive chez moi. Donc c'est aussi une façon de pouvoir rendre accessible cette histoire qui est une histoire intime, qui est une archive pour l'instant que j'ai encore chez moi, que je veux encore garder chez moi, pour petit à petit cheminer, pour la transmettre en fait, de réfléchir avec vous à qui la transmettre. C'est aussi montrer aux institutions qu'on peut faire autrement, tellement on est badass. Voilà, c'est ça notre stratégie. Voilà. Déprivatiser, pour moi, ça peut vouloir dire deux choses. Ça parle à la fois des institutions et ça parle à la fois des individus aussi, que des gens qui ont en fait des archives privées en sont individuelles, quoi. Et là, je trouve que, par exemple, la forme de l'atelier ou d'ouvrir des espaces, c'est aussi une façon de montrer à des personnes qui ont ces archives et tout, qui, en fait, quand même, parfois, sont des personnes qui ne se sentent pas en lien, en fait, avec les personnes qui animent les espaces communautaires à ce moment-là ou les espaces de lutte à ce moment-là. Et, en fait, c'est de montrer qu'on en prend soin. On ne vient pas chercher ces archives juste pour, mettre notre cul dessus. Ouais, ça, c'est un autre truc que je voulais dire. Mais vraiment pour en prendre soin, pour se raconter cette histoire, pour construire quelque chose avec, quoi. Par contre, en ce qui concerne le fait de déprivatiser les archives des institutions, enfin, c'est pas comme si les archives trans étaient dans les institutions, hein, par exemple. Il y en a, hein, il y en a, mais les archives de la répression notamment, les archives des préfectures, les archives de la police, les archives médicales, alors ça, c'est bon, on a. Par ailleurs, elles sont intéressantes, hein. Elles sont toujours exploitées pour genre, je sais pas, raconter des choses qui nous intéressent pas trop, alors que par exemple, dans les archives médicales, hein, il y a des trucs de ouf sur la sexualité des personnes trans, hein. Mais en fait, les personnes, elles racontent leurs pratiques sexuelles. Genre, c'est ultra détaillé, c'est ultra hot. Hein. Enfin, vraiment, c'est genre... Et en fait, ça, c'est pas raconté. Enfin, toutes ces archives-là, elles sont pas utilisées pour ça, alors qu'elles pourraient. Par exemple, du côté d'Acceptes, à ma connaissance, aucune institution publique est jamais venue nous chercher pour avoir les archives. Alors que bah, dans les archives nationales, il y a les archives d'ACTUP, par exemple. Et par contre, à Acceptes, on a déjà été proposé de vendre nos archives, pour le coup. En mode, ça, vous vous rendez pas compte, ça a énormément de valeur, vous voulez pas les vendre, et puis en les vendant, ça va vous aider à financer des actions au Bois de Boulogne, blablabla. Ce qui, du coup, évidemment, est extrêmement tentant, parce que l'argent, on en a besoin. Du coup, ouais, j'ai l'impression qu'en vrai, sur les archives trans, il faudrait déprivatiser au sens de que les archives fassent communauté. Mais par contre, c'est pas comme si elles étaient beaucoup dans les institutions pour l'instant. Mais ça va se passer, dans 5 secondes. Hein. En fait, c'est à la mode, si c'est sur Netflix, ça va être aux archives nationales dans 5 ans, quoi. Du coup, je pense que c'est une vraie question qu'on doit se poser. Et du coup, je trouve ça drôle parce que, par exemple, quand on a fait le premier week-end Transfem l'année dernière, donc qui est vraiment un espace de soins, on a immédiatement envoyé le programme et les archives qu'on avait à Marseille, hein, Et du coup, peut-être qu'avec un corrigera, je crois qu'elles sont un genre de lutte. Hein. Potentiellement, elles sont en mémoire des sexualités, mais je crois qu'elles sont un genre de lutte. Ok, bah, on vérifiera tout à l'heure. Mais où ça avait aussi du sens de me dire, bah, moi, pour moi, à Marseille, il y a les archives des UEH, par exemple, des universités euro-méditerranéennes d'été, des homosexualités, dans l'autre sens, bref. Et du coup, je trouve que ça avait du sens de mettre ces archives là-bas aussi pour dire, bah, en fait, on prend la place avant qu'on nous la donne, et en plus, dans des archives qui sont chouettes, enfin, qui sont gérées de façon chouette et tout, quoi. Oui, moi je me demandais, c'est peut-être contradictoire, mais si vous aviez réfléchi à des archives orales, parce que j'ai plutôt envie de détruire les livres d'histoire cis hétéro-blanc que de demander à ce que dans leurs livres d'histoire, nous on en fasse aussi partie. Aussi, j'ai du mal à me projeter venir dans des centres d'archives parce que j'ai l'impression que je vais vraiment galérer avant de trouver des trucs qui sont vraiment pépites. J'ai l'impression que le format oral permet de... Enfin, en fait, comme il y a une personne qui transmet et qui choisit, on raconte pas tout de manière exhaustive en sachant pas trop ce qui va intéresser les autres, mais on partage le truc qui... Bah, sur les archives orales, oui, moi, je suis grave d'accord. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en termes de livres d'histoire, hein, souvent, les archives orales ne sont pas dans les livres d'histoire, par ailleurs. Chez les historiens et historiennes un peu straight, hein, ce qui implique aussi des personnes qui font de l'histoire LGBTI, il y a ce truc de on ne peut pas s'appuyer sur des sources orales parce qu'elles ne sont pas scientifiques. Bon, ce qui est plus débattu maintenant, mais qui néanmoins est encore un peu le fond de commerce de l'histoire universitaire. Alors que par exemple, bah, ce livre dont je parlais avant de Maxime Förster, qui est genre pas la chose la plus historiquement solide, mais qui néanmoins, bah, lui, il part tout de suite du principe en mode bah, j'ai fait de l'histoire orale parce que comment est-ce que j'aurais pu faire autrement, quoi. Du coup, je trouve ça intéressant. Et puis moi, en effet, pour construire les ateliers, bah, je me suis appuyé notamment bah, sur beaucoup de récits que me racontaient bah, plutôt les personnes d'Accept-ST et que je n'ai pas forcément enregistré. Parce que parfois, ça ne marche pas aussi. Enfin, il y a aussi ce truc de enregistrer, c'est vraiment un dispositif particulier et que du coup, je trouve que c'est un truc qui peut être fait dans un deuxième temps, parfois, enfin, je ne sais pas. Et aussi sur du podcast, quoi. Enfin, vraiment, les podcasts du collectif Archives LGBTI, qui s'appelle La Fièvre, bah, il y a des trucs super intéressants de Karine Espinera, Maudius Thomas, Camille Cabral, plein de personnes. Et même des podcasts de France Culture, quoi. Enfin, franchement, il y en a plein. Les transidentités racontées par les trans. Il y a eu des podcasts sur la vie d'Hélène Azéra. Il y a eu des podcasts sur Marie-Pierre Pruvot, dite Bambi. Enfin... Mais je trouve ça chouette de pouvoir s'appuyer sur tous ces trucs-là et en produire plus dans des cadres qui nous font plaisir, quoi. Pardon, je réponds un peu à côté de la question. Je suis un peu perdu. Ça me refait tiquer le truc d'en faire des podcasts. Et en même temps, clairement, j'écoute plein de podcasts et ça me nourrit. Un podcast, en vrai, on peut les faire nous-mêmes, mais quand même, souvent, c'est certaines personnes qui donnent la parole à d'autres. Et du coup, j'ai l'impression que, avec la culture orale, mais plutôt en mode conte, en fait... Si nos luttes, c'est que tout le monde puisse parler dans les podcasts officiels qui tournent, machin, ou que tout le monde puisse avoir des archives et tout, on n'y arrivera jamais. Il y aura toujours des personnes qui n'auront pas le temps d'écrire leur vie parce que leur vie, elle est trop chaude à vivre. Ou, enfin, voilà. Et par contre, qu'on se le... Enfin, je sais pas, là, je suis en train de partir dans un truc... Bah non, mais grave, effectivement, et sur le podcast, bah, y a plein de sortes différentes. Tu vois, je pense au podcast du collectif Archivage LGBTI, où c'est vachement un truc de réfléchir sur l'auto-archivage et tout. Je pense, en plus, le terme podcast est aussi assez cracra. Enfin, ça renvoie à un certain truc. Là où je pense, bah, tu vois, sur Radio Canu, il y a des plateaux radio sur les archives trans, hein, I know, et sur des choses comme ça... des interviews et compagnie. Par contre, moi, je suis ultra convaincu par la forme du conte. Et je pense que c'est aussi ça qui m'est venu en tête quand j'étais en mode « Parfois, il faut raconter des histoires même si elles sont fausses. » C'est qu'en fait, je pense qu'on gagne à se raconter. Et je trouve qu'il y a tellement de moments où on est là à boire des bières et à pas savoir quoi dire, bière, ou autre chose. Hein. Et qu'en fait, c'est juste trop chouette de se raconter ces histoires-là et d'être en mode « En fait, je vais raconter un truc. Ça se trouve, c'est faux. » Mais moi, j'ai entendu ça et c'est comme ça qu'on se crée de la communauté et tout, quoi. Moi, je voulais rebondir sur l'appréhension d'aller creuser dans des archives et de se retrouver face à des cartons. C'est qu'il y a un truc aussi dans les assos d'archives queer, et je dis ça parce que j'ai pas trop d'expérience des autres archives, à vrai dire, mais qu'il y a les archivistes et qu'il y a des moments de permanence aussi, et qu'en fait, ça fait un peu le pas, c'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui ont digué dans les archives, c'est des personnes qui ont des histoires à raconter à propos de ces archives, et que ça fait un moment de compte, en fait, de dire, voilà, moi, je viens parce que j'ai envie de trouver ça, est-ce que tu sais, et en fait, une chose emmène à une autre, puis du coup, tu finis par parler des archives, d'où elles viennent, et je pense que c'est plus simple et puis plus sympa aussi d'y aller comme ça, avec une interface humaine. Après, des fois, c'est hyper agréable de se dire j'ouvre un carton au hasard et je fouille. De pouvoir venir en disant, bah, en fait, voilà, je cherche un truc, mais je sais pas trop par où commencer. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a des permanences, des rencontres. Et ouais, c'est une forme de conte. C'est une forme de raconter pas une histoire directement, pas forcément directement personnelle parfois, mais aussi de toute cette archive-là. Oui, je voulais juste dire un mini truc. Je ne sais pas si j'ai bien saisi exactement ce que tu disais par rapport à tes inquiétudes et tout, mais bah, comme peut-être pas mal de personnes qui ont fait des études supérieures, du coup, il y a un travail de recherche qui était ma première porte d'entrée en fait, vers l'histoire orale, que j'ai essayé de mener de façon éthique et tout ça, sans écouter l'université du coup, qui ne donnait clairement pas des conseils éthiques. Et il y a un truc que vraiment je remarque, et je pense que je suis pas la seule personne à le faire, c'est que les personnes que je suis allée voir, en fait, c'est des personnes qui n'ont pas parlé depuis très très longtemps de leur histoire. En tout cas, moi, il s'agissait de vieilles lesbiennes qui ont parfois 80 ans, et il y en a qui sont devenues super isolées depuis leur militantisme. Il y en a qui sont vraiment reclus pour des raisons parfois personnelles qui n'ont rien à voir avec l'histoire qu'elles ont vécue, enfin, au niveau militant. Et en fait, c'est des personnes qui se sentaient absolument pas légitimes de raconter quoi que ce soit. C'est des personnes qui pensaient que soit qu'on s'en fichait, soit qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait mieux. Et notamment au niveau lyonnais, il y a des universitaires militantes dans les années 70 qui ont écrit un livre dans les années 80 sur la militance des années 70. Ce qui fait qu'il y a un espèce de clivage qui s'est poursuivi en termes de violence de classe, en fait, parce que ces universitaires-là ont raconté cette histoire-là. Et du coup, toutes les personnes, même celles qui ont été interviewées pour le livre, se sentaient encore des années et des années après toujours illégitimes et disaient « mais les universitaires l'ont dit, les universitaires l'ont écrit et tout ça ». Et du coup, c'est un peu bête parce que moi, j'y suis retournée avec un statut d'universitaire, mais j'ai quand même essayé de donner une forme de parole et de soins peut-être différentes, je pense. Et moi, j'aimerais beaucoup, par exemple... Je ne sais pas trop sous quelle forme actuellement, parce que c'est des personnes âgées, c'est des personnes fragiles pour plein de raisons. Mais j'aurais beaucoup aimé inviter ces personnes à parler de façon pas forcément enregistrée, mais devant des personnes. Et sans forcément être les centres de l'attention, en mode « nous, vieilles lesbiennes, allons raconter notre histoire et vous, vous allez tous nous regarder avec des yeux béats ». Ça peut être un truc collectif avec des personnes de 20 ans, de 15 ans aussi qui racontent leur histoire. Mais franchement, j'aimerais trop faire ça. Et du coup, exactement comme Louvre et toi, la forme du conte, pour moi, elle est géniale, quoi. Donc voilà. Moi, je pense qu'on peut continuer comme ça de façon informelle nos échanges. Et puis, on pourra se raconter plein de grandes conteuses. Catherine Gaillard qui a raconté les Amazones en collectant l'histoire de lesbiennes pour faire son spectacle. Oh, eh ben, dis donc. Je ne m'attendais pas à avoir le micro là. Moi, je fais des archives plutôt de lutte pute. Et je les ai fait de manière schlagos et bénévole ou de manière subventionnée. Et je me suis quand même posée très fort et enfin assez vite sans le bénéfice direct que pouvaient récolter ces personnes-là, sachant que plutôt pour moi elles prennent un risque. Alors oui, c'est porté par un besoin collectif, mais en tant qu'individu, moi je trouve que c'est des personnes qui méritent d'être payées, qui ne vont pas jouir d'une reconnaissance comme une personne non concernée. Oui, en effet, c'est pour rebondir un peu là-dessus, il y a cette question de où va l'argent, en fait, aussi. Et l'argent physique, le crédit symbolique, toutes ces choses-là. Nous, je pense qu'un truc qu'on défend pas mal à Big Data, qui a été rappelé, c'est vraiment cette question d'autodétermination dans l'archive, et en fait, la question d'auto-archivage aussi, qui a les moyens, en fait, de faire de l'archivage et compagnie, et en fait, comment est-ce qu'on fait pour répandre ça dans la société, plutôt que le garder toujours aux mêmes mains, mais en tendant le micro. Enfin, il y a vraiment ce truc de parfois aussi se dire à quel point est-ce que, en fait, quand on tend le micro, c'est toujours la même personne qui enregistre et toujours la même personne qui diffuse. Et du coup, ça transforme la parole qui est dite. Et du coup, comment est-ce qu'on crée des formes où c'est aussi les personnes qui peuvent, en fait, raconter? Parce qu'en fait, tout le monde a une voix. Après, il y a des voix qui portent plus ou moins dans la société. Et ça, c'est vraiment pas la cause des individus, quoi. Comment est-ce qu'on fait croquer nos privilèges, nos accès dans les universités, dans les espaces, etc.? Comment est-ce qu'on fait croquer quand y a des personnes qui ne parlent pas français? Comment est-ce qu'on fait croquer quand il y a des personnes qui n'ont pas le crédit universitaire pour le faire? Comment est-ce qu'on fait croquer? Mais par contre, il y a vraiment cette idée pour moi, oui, qu'à la fin, ça doit revenir aux personnes qui l'ont fait. Et donc, ça doit revenir aux personnes dont c'est l'histoire. Et qu'il y a un truc vraiment important de, au maximum, raconter ses propres histoires, ses propres archives et tout. En tout cas, c'est mon avis. C'est charmant. suffira jamais. J'ai envie de sortir avec un nouveau toit, car toujours ce n'est pas assez. J'ai envie de sortir avec celui qui le voudra. L'amour ne me suffira jamais. J'ai envie de sortir avec un nouveau toit, car toujours ce n'est pas assez. Penser et dîner avec le soleil, faire comme si tu n'étais pas là. Penser, dilater le soleil, brûler ma tête, brûler ma fenêtre. Penser, faire comme si je ne te voyais pas. Brûler ma tête, brûler ma fenêtre. Penser, faire comme si je ne te voyais pas. Aimer les petits plats dans les grands. Faire du footing, boire du matcha. Mettre les petits plats dans les grands. Grandir et suffire au tableau de l'administration pénitentiaire. Faire rougir tous les mecs hétéros d'avoir essayé de brûler leurs ailes. Juste essayer encore une fois d'aimer le mieux et d'aimer plus. Détruire si l'on veut le toi et le moi. Construire le nous qui le voudra. Mais le nous n'existe pas si les prédateurs nous entourent. Le nous n'existe pas si les prédateurs nous entourent. Alors je te gomme sur Photoshop, je te dégomme sur le dance floor. Je te gomme sur Photoshop, je te dégomme sur le dance floor. Encore une fois, les icônes meurent comme c'est mignon. Et ma famille, la dépression. Besoin d'écrire, besoin de dire. Que l'on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. On te déteste, tu es parti. Toi qui attends que ton tour passe. Les agresseurs dans nos vies, c'est un fast-food dégueulasse. Vous êtes partout. Alors on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. Et on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. Trouver l'amour dans la basse-cour, trouver du temps pour faire l'amour. Les loups entourent nos corps de rêve. Alors on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. On vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. J'ai peur de dire et de bouger. Rangement casier interposé. Lové pour se soigner avec des corps. Javelisé et je dis non et je dis stop. Je veux briser la glace pilée. Et on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. Et on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. Et je dis non, et je dis stop, je veux briser la glace pilée. Et on vous gomme sur Photoshop, on vous dégomme sur le dance floor. Vous venez d'écouter l'enregistrement de la table ronde Archives égale lutte avec Louve d'Accept ST, Issalem de Queer Code et Arsène de Mémoire minoritaire. C'était le 3 et 4 juin 2023 pendant les premières rencontres du réseau Big Data, réseau d'archives et bibliothèques queer et féministes. Les pauses musicales sont des extraits des performances poétiques de la nuit Brasero Poétique avec Célia Louise Château et à la fin Rose Garçon. la rubrique des petits conseils d'auto-soins numériques des tatis geeks.